Alors voilà, c'était Chantal Grimm, Arlette Mirapeux et Elisabeth Boudhema dans la chanson La femme libre. Et vous écoutez présentement Le grain de sable, Valérie Blouin avec vous. Et aujourd'hui, j'ai la chance de m'entretenir avec Madame Valérie Letourneau. Donc, bonjour, Madame Letourneau. Bonjour, vous allez bien? Oui, vous? Oui, merci. Alors, peut-être en guise de présentation, peut-être vous pourriez nous expliquer un peu la mission de LR, des Centres des femmes du Québec, et également votre rôle dans lequel vous jouez. Oui. Donc, LR, pour commencer, LR des Centres de femmes du Québec, c'est le regroupement des Centres de femmes du Québec. Et ça réunit 98 centres de femmes qui sont répartis dans toutes les régions du Québec. Les centres de femmes rejoignent, on estime, environ 300 000 femmes par année par leurs activités et leurs services à la population. Quand même, c'est beaucoup. Oui. Mm-hmm. Et nous sommes, je pense qu'une des grandes forces de notre regroupement, c'est que nous sommes présentes vraiment partout au Québec. Il y a des centres de femmes vraiment dans toutes les régions de la province. Un centre de femmes aussi, ce qui est intéressant, c'est que ça naît de la communauté. Donc, c'est vraiment, ça part des femmes du milieu qui, à un moment donné, se réunissent, réalisent qu'elles ont un besoin de se réunir pour échanger. On a une approche, et c'est elles qui, ensemble, décident de se réunir en groupe, de se constituer en organisme et qui décide éventuellement de joindre le regroupement en adhérant à notre base d'unité politique qui est féministe. Mm-hmm. Donc, ce sont des femmes partout au Québec qui s'organisent pour changer les choses et pour améliorer les conditions de vie des femmes. Alors, excellent. Et votre rôle là-dedans, vous? Moi, on est une équipe de 4 travailleuses permanentes au regroupement. Puis nous, on est là au service des centres de femmes et on travaille en gestion féministe. Donc, on se partage l'ensemble des dossiers collectivement. Moi, je suis responsable des communications, mais on travaille vraiment tout en collégialité. Ah oui, bon, alors excellent, c'est intéressant de peut-être que les gens vont découvrir vos services, dans le fond. Et puis, je suis allée voir un peu sur votre site, dans le fond, on peut voir plusieurs chantiers en route, dont, entre autres, les droits et conditions de travail. Donc, c'est un peu le sujet de l'heure actuellement, là, donc, avec l'assurance-emploi. Donc, ma question, qu'est-ce que vous pensez des dernières modifications qui ont été apportées par le gouvernement fédéral à l'assurance-emploi? Ben pour nous, pour le centre de femmes, ça s'inscrit vraiment dans la lignée de néolibéralisme qui est courante. Ça s'inscrit dans la déresponsabilisation de l'État qui a commencé à peu près dans les années 70 partout dans les pays occidentaux. Donc, cette tendance-là, pour nous, vise à désagréger le filet social. Mm-hmm. Le filet social qui, dans le fond, comprend l'aide sociale, l'assurance emploi, l'assurance maladie, puis en général, là, l'accessibilité universelle aux différents services. Donc ça, ce filet social-là, on a construit ça collectivement parce que on reconnaissait comme société qu'on avait des responsabilités collectives par rapport à la santé de la population. Et là, ce courant de droite-là vient, dans le fond, attaquer le filet social. Et ça va de pair aussi avec le discours qui veut responsabiliser les individus. Donc, les chômeurs, chômeuses, dans ce cas-ci, on leur dit que ce sont eux les pauvres et que c'est leur responsabilité à eux de retourner le plus rapidement possible sur le marché du travail. Et voilà. Puis en plus, pour nous qui sommes femmes également, on ne peut pas dissocier cette tendance-là d'une tendance aussi à vouloir maintenir les femmes au foyer puis dans les rôles traditionnels. Mmh. Oh, intéressant. Parce qu'il ne faut pas oublier que toutes les attaques qui sont faites au filet social sont des coups portés directement à la liberté des femmes. Parce que la socialisation sexiste, qui est encore présente dans notre société, fait en sorte que nous, les femmes, sommes encore en majorité celles qui prenons soin. On prend soin des enfants, on prend soin des malades, on prend soin des aînés, on prend soin de la maison. C'est sûr que je parle en règle générale. Mm-hmm. Mais c'est quand même la tendance majoritaire. Fait que quand l'État décide de couper dans les services sociaux, c'est sur les femmes qu'il se décharge en grande majorité et ça fait en sorte que les femmes restent davantage au foyer. Oui, donc ce que le gouvernement Harper fait, ça s'inscrit dans un cadre général sexiste et toutes les modifications qui sont apportées à l'assurance-emploi pénalisent donc les femmes de façon particulière. Mais je pense que vous aviez pris connaissance de l'article du Devoir à ce sujet-là. Oui, tout à fait. Donc, qui apparaît, c'est ça, le 22 novembre 2007. Et ouais. C'est ça, donc, le titre, c'était vraiment « Les femmes sont pénalisées par l'assurance-emploi ». Et ce que j'avais pu lire, c'est qu'il y a pas moins de 2 femmes sur 3 qui cotisent au régime, donc à l'assurance-emploi, ne recevraient pas un sou si elles perdraient leur emploi. Je trouvais ça un petit peu aberrant parce que... Absolument. Je veux dire, on cotise, en tout cas, on cotise quand on travaille, mais là, je me posais la question comment ça. Puis, selon les données de Statistique Canada, 40% des hommes au chômage ont pu toucher des prestations en 2004, alors que seulement 32% des femmes au chômage en ont reçu. Donc, c'est sûr que je vois que autant les hommes que les femmes sont pénalisés, mais davantage les femmes. Est-ce que vous vous attendez à ce que la situation se détériore davantage? Et comment c'est possible que cette situation existe? OK. Pour nous, c'est bien évident, c'est triste à dire, mais c'est bien évident que tout laisse croire que la situation va se dégrader davantage. Ah bon? Parce que comme le rend l'article là, du 22 novembre, les données dont elle parle sont issues d'une étude faite en 2004. Mm-hmm. Mais là, les modifications que viennent d'apporter les conservateurs empirent la situation. Donc, déjà, en 2004, les hommes pouvaient toucher davantage de prestations que les femmes. Et là, avec les nouvelles restrictions, ça va juste aggraver les choses. La co-auteure de l'étude ajoutait que les règles du régime d'assurance-emploi sont fondées sur la norme de l'emploi à temps plein. À longueur d'année. OK, la norme à temps plein à longueur d'année. Ouais, donc, il faut travailler à temps plein pour avoir de l'assurance chômage. Mais disons que le système comme tel, en général, là, moi, ce que j'en comprends, c'est que c'est ça, il se base là-dessus. Mm-hmm. Donc, c'est sûr qu'il y a certaines modulations, mais ça demeure sa référence, sa norme. Mm-hmm. Sauf qu'on sait que la situation des femmes sur le marché de l'emploi n'est pas du tout comme ça. Non. Donc, c'est sûr que ça ne s'inscrit pas du tout dans une perspective féministe, là. Non, pas du tout, au contraire. La politique, les modifications à l'assurance chômage vont pénaliser davantage les femmes parce que les femmes occupent la majorité des emplois précaires. Atypique. Ah oui, donc actuellement, est-ce que c'est un peu la situation actuelle des femmes sur le marché de l'emploi? Qu'elles oui, occupent des emplois précaires atypiques? Oui, c'est ça la norme. Ah oui, donc... Donc, tu sais, on pourrait s'imaginer que... mais probablement qu'on le réalise autour de nous, mais les femmes sont davantage dans des systèmes qui ont moins de protection sociale. C'est du temps partiel. Mm-hmm. Il y a aussi beaucoup d'emplois non standards, comme par exemple des mesures ou des programmes d'employabilité pour retourner sur le marché du travail après une absence plus ou moins longue, par exemple après avoir mis au monde des enfants. Beaucoup de travail à temps partiel ou de contrats à durée déterminée. Oui, donc, oui, c'est ça. On est toujours un peu dans l'insécurité, si on veut. Oui, bien, c'est souvent des conditions de travail que les femmes choisissent pour accommoder le fait qu'elles ont beaucoup de responsabilités familiales. Mm-hmm. Et ça, c'est la réalité. Pendant la vie active des femmes, souvent, elles ont la charge des enfants. Comme je le disais tantôt, on a encore une division sexuée des rôles sociaux. Puis ça fait en sorte que les femmes sur le marché du travail occupent des emplois plus précaires. Et donc, c'est beaucoup plus difficile pour elles de se qualifier à l'assurance chômage. Ah, et oui. Oui. exactement. Ah oui, ça ne tient pas compte de cette réalité-là, parce que souvent, c'est les femmes qui vont aller s'occuper des enfants. Là, supposons qu'ils sont malades, ben, ils vont quitter leur emploi, vont aller les chercher, vont aller voir le docteur. Tu sais, c'est un peu ça qui se passe des fois. Ben, c'est pris en considération. Par contre, c'est très rigide et les modifications qui viennent d'être apportées complexifient l'accès. Donc, c'est pas absolument ignoré par le programme, mais disons que c'est grandement limité. Tu sais, comme par exemple, pour se qualifier maintenant avec les modifications apportées, il se base sur la dernière année. Tu sais, l'année de référence, oui. C'est la dernière année, alors qu'avant, pour les femmes qui venaient d'avoir un enfant, la période de référence était plus grande. Oui, oui. Donc là, on n'en tient plus compte. Non, c'est ça. Donc, ça va pénaliser beaucoup les femmes qui, disons, par exemple, après un congé de maternité, retournent sur le marché du travail, puis là, pour une raison ou une autre, perdent leur emploi. Là, ça va être juste l'année, la dernière année qui va être prise en référence. Ah, OK, d'accord. Donc là, c'est sûr que les salaires, des fois, peuvent varier, tout ça, là. Exactement. Puis, est-ce qu'il y a d'autres... est-ce qu'on peut résumer un peu brièvement les dernières modifications qui ont été apportées? À l'assurance chômage? Oui, oui. Bien, il y a plusieurs affaires qui ont été modifiées, là. Bon, par exemple... Si on peut résumer difficilement, il y a trois nouveaux classements pour les prestataires. Et donc, c'est un système assez complexe. Ce classement-là, il va difficilement... Bon, il va y avoir de nouvelles règles pour les prestataires fréquents. En fait, c'est ça, ça vient vraiment toucher... ceux qui sont à temps partiel. Exactement. OK, OK. Donc, c'est pas... dans un autre ordre d'idée, j'ai une autre question. Donc, le Québec, semble-t-il, ce que j'ai appris dernièrement, il s'apprêterait à faire des coupes chez les personnes les plus pauvres au Québec. Et ce serait vraiment un peu une annonce qui n'avait jamais été annoncée à l'étude des crédits. Et les parlementaires sont très, très, très surpris et entre autres, qui sont choqués de ça. Qu'est-ce que vous pouvez... pouvez-vous nous en parler un peu de cette ce phénomène-là? Pour commencer, ben c'est sûr que c'est très récent, puis c'est des modifications à la loi qui sont bien spécifiques. Par contre, ce que je peux dire, c'est que en premier lieu, il faut pas perdre de vue que c'est un autre mensonge du Parti québécois. Tu sais, si on prend ça d'un point de vue plus global, le PQ. En campagne électorale, nous avait promis plusieurs choses, comme par exemple des états généraux sur l'éducation. Il nous a promis d'abolir la taxe santé. Il nous a promis aussi qu'il allait pas couper à l'aide sociale, puis qu'il allait lutter contre la pauvreté. Finalement, il a rien tenu de ces promesses-là. Il est complètement obnubilé par son envie du déficit zéro. Puis les engagements qu'il a pris auprès de la population, il ne les tient pas en ce moment. Donc, il fait le choix de s'inscrire dans la même mouvance néolibérale et ce sont les pauvres, les plus démunis qui vont en payer le prix, contrairement à ce qu'il nous a promis en campagne électorale. Fait que ça, je pense que c'est important de le souligner. Là, tout à fait, le Parti québécois nous a menti de façon éhontée tout au long de la campagne pour aller récolter nos votes. Et là, maintenant, il est au pouvoir et il ne tient pas ses promesses. J'espère qu'on va s'en souvenir. Oui, j'espère aussi. Donc, ça, c'est important d'en parler. Oui. Ensuite de ça, bon, plus précisément, de quoi il est question, c'est de l'allocation, c'est de l'allocation pour contraintes sévères. C'est ça que vient modifier, c'est ça que veut modifier Mme Maltais. Donc, ça représente 129 $. Donc juste pour se situer là dans le portrait global de qui ça concerne, là, on parle des personnes à l'aide sociale qui, quand elles sont seules, gagnent 604 $. En fait, ils ne gagnent pas. On leur donne 604 $. Par mois. Par mois. Quand même, c'est pas beaucoup, hein? Je sais pas comment on peut arriver avec 600 $ par mois. Non, c'est vraiment rien. Et l'allocation pour contrainte sévère à l'emploi est donnée aux adultes seuls qui ont un enfant à charge de 5 ans et moins. Mm-hmm. OK? Et là, dans le fond, ce que vient proposer le règlement, c'est de limiter l'accès à cette allocation supplémentaire-là de 129 $. Donc là, il y a des gens en ce moment qui, en plus de leurs 604 $, ont l'autre 129 $, les deux ensemble, et la situation va se modifier suite au 1er juin. C'est ce que propose le règlement. Donc, les personnes qui vont perdre ce 129 $-là, il y en a quelques-unes personnes qui sont visées par les règlements. Il y a, puis c'est ce qui nous concerne particulièrement, ben en fait, je veux dire, premièrement, c'est vraiment dégueulasse, là. Je veux dire, tu peux pas aller couper 129 piastres de même à une personne qui a 730 piastres par mois, s'entends-tu? Mais ensuite de ça, c'est que ça vise précisément les personnes qui sont en famille, qui ont sont en famille. Oui, qui ont un enfant de moins de 5 ans aussi, hein, je pense. Oui, c'est ça. Donc, ils sont deux. Les personnes, les mères monoparentales ne sont pas affectées par la modification, mm-hmm. qui vivent seules. Celles qui sont affectées par la situation sont celles qui sont maintenant deux, donc probablement des familles reconstituées, soit qui ont un enfant ensemble ou un enfant déçu d'un mariage recomposé. OK? Oui. Donc, ces gens-là pourront avoir l'allocation supplémentaire uniquement si le conjoint de l'adulte qui a un enfant démontre qu'il ne peut pas travailler par un papier médical, démontre que en plus de l'enfant de 5 ans et moins qui est à sa charge, il y a aussi un enfant handicapé, ou qu'il procure des soins à un autre adulte que son conjoint, avec preuve, évidemment. Ça devient compliqué, l'accès, là. C'est extrêmement compliqué, oui. C'est extrêmement compliqué, puis ce que ça fait, c'est que c'est des gens qui sont déjà dans des situations de très grande précarité et sur qui, dans le fond, on vient resserrer l'étau, le contrôle, puis bien souvent, ce sont les femmes qui subissent les pertes, parce que ce sont souvent les enfants, les femmes qui ont les enfants à charge, et ce sont souvent les études qui ont été faites par notre regroupement ou par d'autres, comme le Front commun des personnes à cité sociale du Québec, démontrent que notre État patriarcal, quand il enquête sur la famille, il passe par la femme, et c'est la femme qui se voit pénalisée le plus souvent. Mais donc, Oui. Dans ces couples-là, quand l'État, dans le fond, se désengage, dans le fond. Exactement. Parce que c'est les femmes qui portent la responsabilité encore de la famille, et donc, c'est elles qui se voient privées de ce supplément-là, mais à qui, par ailleurs, on donne plus de responsabilités. Parce que nécessairement, si on lui enlève des revenus à cette femme, soi-disant pour l'inciter à retourner sur le marché du travail, là, en fait, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train de lui compliquer la vie. Parce qu'avec ce genre de revenu-là, on passe son temps à rechercher les denrées qui vont nous être données par charité, par les comptoirs alimentaires. Les femmes dans cette situation de survie-là sont toujours en train de s'activer pour survivre. Oui, donc quand on est en état de survie, on n'est pas en état vraiment de travailler. Non, vraiment pas. Je pense que c'est ça pour... ça peut au moins atteindre au moins près de 10 000 personnes, là, juste cette mesure-là pour les femmes ayant des enfants en moins de 5 ans. Là, juste cette mesure-là, ça peut affecter au moins 10 000 personnes. C'est énorme. Oui, tout à fait. Alors, le temps passe très vite. Là, pour conclure cette entrevue, sur quelle note on peut... comment on peut corriger tout ça, cette situation-là? Comment le... Pour nous, c'est en fait ce qu'il faut pas perdre de vue, c'est que tout ça relèvent de décisions politiques. Mm-hmm. Ce sont des choix qui ont été faits par le gouvernement. Donc, les choix, là, on a du pouvoir sur ça. C'est ce qu'on fait, nous, dans les centres de femmes. On réalise que on a le droit de faire, on a le pouvoir de choisir ce qu'on souhaite pour nous-mêmes et pour la société. Donc, dans cette mesure-là, on peut rappeler ça à nos élus et nous-mêmes, on peut voter en conséquence aussi, passer à l'action, dénoncer. D'ailleurs, par rapport au règlement, il est possible de signifier, parce qu'on a 45 jours là, pour signifier à l'État notre désaccord par rapport à ça. Et donc, moi, je vous invite à passer à l'action parce qu'on a du pouvoir sur ça et on devrait l'utiliser. Alors, où va-t-on pour passer à l'action? Toute personne intéressée, donc c'est de communiquer dans le fond avec la ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale. Si vous voulez faire ça collectivement, vous pouvez le faire avec le centre de femmes aussi de votre quartier. Pour le trouver, vous pouvez aller sur notre site web. Ils sont tous répertoriés par région. Donc, c'est rcentre.qc.ca. Alors, je vous remercie beaucoup, Madame Letourneau. C'est déjà tout pour aujourd'hui. Alors, j'espère que, justement, cette lutte va se poursuivre et il va y avoir des actions qui vont être posées par rapport à ce projet de règlement-là. Oui. Je vous remercie beaucoup. Je vous remercie beaucoup. Au revoir. Au revoir. Alors, c'était Madame Valérie Letourneau, qui donc représentante de l'ER Centre des femmes du Québec. On va maintenant écouter La Cédic de Lily Ross. Donc, c'est une chanson qui est inspirée par une des... Vous allez voir, la musique est inspirée par la chanson de Linda Lemay. Et les acédiques, c'est le dans le fond, ça représente l'assurance-emploi au Québec. Les acédiques, faut leur envoyer des courriers et leur remplir plein de papiers, les acédiques. Quand tu crois qu'ils vont te payer, ils ne retrouvent plus ton dossier, les acédiques. Aussi déplacés tous les mois pour qu'ils te disent n'importe quoi, les acédiques. Et puis les gars du Pôle emploi, ils peuvent jamais rien faire pour toi. Les acédiques, ils sont très forts, entre eux ils sont jamais d'accord. Y'a jamais personne au standard, quand ils répondent ils sont ignares. Les appeler, c'est un vrai cauchemar, les acédiques. Les acédiques. Chaque fois que je passe leur porte, j'ai comme une envie d'être morte, les acédiques. Je suis hypocrite en arrivant et je repars en m'énervant, les acédiques. Ils répondent pas à tes messages, ils ont le don de mettre en rage, les acédiques. Tes lettres, ils les reçoivent jamais, c'est à croire qu'ils le font exprès. C'est trop perso, c'est pour tous les enfants d'arc depuis le berceau. Je te parle à toi qui me comprends malgré mes fautes de langue. À toi toujours au P quand y'a trop de demandes. Vas-y crie-le si t'as la haine, dis-le si c'est la merde en bas de chez toi. Mais de façon ce sera la même. Je te parle à toi qui a toujours pas trouvé de but. Toi qui cherches la fin sans même avoir compris le début. Il faut briser la glace, il ne faut pas se voiler la face. Défends que l'on est ta place. Fonce, fonce, fonce. Il faut briser la glace. Présentez votre carte de membre de CKRL et obtenez 15% de rabais chez Sebs, Thé & Lounge, 67 René Lévesque Est et au Dorsay, le restaurant pub européen 65 rue de Buade. Gardez toujours votre carte de membre de CKRL sur vous. On ne sait jamais, ça peut être payant. Il fera chaud sur les ondes de CKRL à Kekalor. Valérie Blouin vous invite à découvrir la musique antillaise, caribéenne et latino-américaine. Laissez-vous charmer par le zouk, la salsa, le cha-cha, la samba, le merengue, la cumbia et la bachata. Voyagez à Cuba, Porto Rico, Haïti, République Dominicaine, Guadeloupe, Trinidad, Mexique, Colombie, Brésil. Kekalor, tous les samedis 14h. conte de fées. Lorsqu'il écrivait des histoires de jungle, des éléphants, des girafes et des panthères s'entassaient dans sa chambre. L'émission consacrée à la littérature jeunesse d'ici et d'ailleurs est animée par Olivia Bu. Lorsqu'il écrivait une histoire de peur, des monstres épouvantables apparaissaient dans son placard. Conte de fées dès 13h, tous les samedis sur les ondes de CKRL, vous est présenté par la librairie Pantoute et Studio P. Maintenant à la Barberie, en plus des 9 bières en fût, une bière en bouteille est servie au bar. On pige dans des cuvées spéciales, des bières rares, des bières vieillies. Mais allez-vous servir des bières ordinaires? Des bières ordinaires à la Barberie. Non. Mais des régulières, alors? Oui. Pour connaître la bouteille du jour, de la semaine ou du mois, consultez notre menu à labarberie.com ou sur notre page Facebook. C'est KRL. 89.1. Québec. Valérie Blouin qui est avec vous jusqu'à 13h. Vous écoutez présentement Le Grain de Sable d'Attaque Québec sur les ondes de CKRL 89.1. Alors n'oubliez pas que vous pouvez en tout temps devenir membre de CKRL si vous aimez cette radio et aussi faire un don en ligne en vous rendant sur notre site web www.ckrl.qc.ca et afin de nous soutenir, bien sûr. Vous pouvez également profiter pour vous procurer des billets pour le cocktail bénéfice qui aura lieu le jeudi 4 avril à l'hôtel Château Laurier. Alors maintenant, je m'entretiens avec le président d'Attaque Québec, Claude Vaillancourt. Alors bonjour, Monsieur Vaillancourt. Oui, bonjour, Valérie. Alors très heureuse de pouvoir vous parler de vive voix aujourd'hui. Habituellement, oui. on reçoit votre éditorial, mais aujourd'hui, on va pouvoir faire une entrevue avec vous. Alors, le 26 février dernier, vous avez comparu au nom d'Attaque Québec devant nul autre que le Comité permanent des finances à Ottawa. C'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Alors, donc, Attaque Québec, je crois, était un des rares intervenants du Québec convoqués par ce comité. Ben, d'après ce qu'on a vu au mois de février, on était les seuls. Et je peux vous assurer aussi que pendant la séance, ça a très peu parlé français. Donc, on a l'impression que le Québec est un gros joueur pour cette chose-là, ça c'est clair. Ah oui, donc, mais j'imagine que vous n'étiez pas seul quand même ce jour-là. Est-ce que vous avez eu l'impression que le comité essaie quand même d'avoir une diversité de points de vue, d'opinion, sur cette question-là, oui? Oui, ça c'est très clair qu'ils ont invité des gens qui venaient de différents horizons. Ça allait de la personne qui était parfaitement en accord sur l'existence des paradis fiscaux, qui trouvait ça vraiment super, au spécialiste qui, lui, voyait les conséquences très, très négatives des paradis fiscaux sur les pays du tiers-monde, mais qui disait que ça avait exactement le même effet sur les pays du Nord. Donc, je n'étais quand même pas seul à maintenir cette position-là, mais il y avait quelque chose qui était presque unanime, là, c'est que les paradis fiscaux, ben, c'était quelque chose qui est vraiment nuisible à l'économie du Canada. Ça faisait presque, je dirais, un consensus. Ah oui, bon, c'est intéressant, ça. Oui. on n'aurait pas dit ça il y a peut-être quelques dizaines d'années, n'est-ce pas? on n'aurait pas osé s'attaquer au problème aussi ouvertement, ça, c'est clair. Bon, ouais. En tout cas, tant mieux. Alors, vous avez déposé également un mémoire, donc, j'imagine, des recommandations aux députés présents. Oui. Et qu'on va revenir tout à l'heure. Alors, comment vous pouvez résumer un peu le message global livré par Attaque Québec? Ben, nous, on s'est attaqué aux conventions fiscales. Le Canada a signé des conventions fiscales. Il y en a une avec la Barbade qui est très connue, mais les conservateurs, depuis qu'ils sont là, ils ont signé 7 conventions fiscales avec les pays des Caraïbes, avec la Suisse, avec Hong Kong. Et ce qu'on essayait d'expliquer, c'est que ces conventions fiscales, ben, c'est quelque chose qui favorise énormément, qui facilite les fuites fiscales à haute échelle. En autre mot, on a dit aux conservateurs que ce qu'ils avaient fait, c'était pas bon du tout, puis je pense pas que le message a été très bien reçu. Oh. Du moins de leur part, ça c'est sûr. Ah bon. Alors, par rapport aux recommandations, quelles étaient-elles? Les recommandations, il y en avait 4, c'est que le Canada fasse une priorité de la lutte contre la fraude fiscale. Puis on parlait beaucoup de investir dans l'Agence du revenu du Canada, mm-hmm. ça c'est clair, pour qu'ils puissent faire à la fois des enquêtes, mais aussi des études. La deuxième recommandation, c'était évidemment de mettre fin à toutes les conventions fiscales selon le modèle actuel, là, qui est extrêmement néfaste. La troisième recommandation, c'était de soutenir la lutte contre les paradis fiscaux, mais à l'échelle internationale, donc que le Canada se fasse un défenseur de cette cause-là, mais aussi qu'il appuie le comité d'experts de la coopération internationale en matière fiscale à l'ONU. Donc, on veut que ce soit par l'ONU que la lutte contre les paradis fiscaux se passe. Puis, on disait aussi, dernier détail, mais non le moindre, là, que si jamais le Canada réussit à aller chercher des montants importants suite au fuite fiscal, en réglant un petit peu ce problème-là, mais que ça soit redistribué dans les services publics et non pas, n'est-ce pas, dans les programmes militaires. Oui, bien sûr, parce qu'actuellement, le public en souffre beaucoup, justement, oui. du sous-financement de l'État. Et oui. Vraiment très intéressant, là, votre mémoire, j'ai pu le parcourir. Je crois mm-hmm. qu'on peut le retrouver sur le site d'Attaque-Québec. Oui, d'Attaque-Québec, qui est très visible. Ah, là, c'est oui. une des premières choses qu'on voit. C'est un beau résumé, malheureusement, parce que j'ai dit beau, là, mais oui. Résumé du phénomène des paradis fiscaux, là, pour ceux qui voudraient en savoir plus, là, dans le fond, cette, comme vous appelez, la convention sur la double imposition. Oui, donc, vraiment, des fois, on pense que c'est de la fiction. Moi, je pense que c'est de la fiction, des fois. Alors, mais comment les députés présents ont-ils réagi face à ces recommandations-là? Ils n'ont pas tellement réagi, en fait. Non? Non. Ils ont gardé le silence? Oui, ils ont gardé le silence. Ils ont questionné davantage les experts qui étaient là. Je dirais que la principale vedette, là, ça a été, il y avait le responsable du dossier à l'OCDE, donc il s'occupe beaucoup de la question des paradis fiscaux, un dénommé Pascal Saint-Amand. Un Français qui parlait en anglais d'ailleurs tout le temps, même quand il posait des questions en français. Donc lui, il a fait face à beaucoup de réponses parce que l'OCDE veut s'attaquer au problème. Il y a une chose qu'il a dite qui est quand même assez intéressante, c'est que l'OCDE veut imposer ce qu'on appelle l'échange de renseignements automatiques. Ça veut dire que chaque fois que quelqu'un s'inscrit dans un paradis fiscal, automatiquement, ça va être révélé publiquement. La donnée va être accessible. Donc, c'est vraiment quelque chose qui risque de mettre fin, en tout cas en grande partie, au secret bancaire. Et j'avoue que c'est une mesure intéressante. Je ne sais pas s'ils vont pouvoir poursuivre, là, mais c'est quand même quelque chose qui est à suivre. Ah oui, oui, tout à fait. Ouais. Et est-ce que vous savez quelque chose par rapport à ces suites-là? Qu'est-ce que ça va donner, ces travaux-là, au comité? Ça, c'est vraiment, on ne sait pas trop, hein. Les conservateurs, ils veulent faire un rapport. Alors, qu'est-ce qui va devenir de ce rapport-là? On ne le sait pas. Et ce que le NPD a demandé, c'est intéressant, c'est qu'au lieu de faire un rapport, c'est qu'ils fassent 4 rapports. Donc, sur des sujets différents, ce qui permettrait d'aller plus en profondeur puis d'avoir aussi une meilleure compréhension de ce phénomène-là. Et là, évidemment, la balle va être dans le camp des conservateurs. Ils ont quand même été obligés d'admettre là que c'est un problème majeur, un problème important, et qu'il faut qu'ils fassent quelque chose. Et en plus, ils sont poussés un petit peu à l'échelle internationale parce que il y a plusieurs pays qui commencent à s'inquiéter du phénomène. Il y a l'OCDE aussi, dont je vous en parlais. Bref, les paradis fiscaux sont vraiment plus sur la place publique qu'ils étaient auparavant. Puis on sent peut-être un besoin d'agir, là, surtout à une ère d'austérité comme celle qui est la nôtre présentement, ben on a besoin quand même d'aller chercher le plus de revenus possible. Peut-être pour rappeler aux gens que c'est la première fois qu'ils entendent parler des paradis fiscaux, dans le fond, qu'est-ce que c'est un peu et quelles sont les conséquences? Un paradis fiscal, c'est un pays où on ne paye presque pas d'impôts, où le pays est protégé par le secret bancaire, ça veut dire qu'on ne peut pas comprendre ce qui se passe, savoir où va l'argent. C'est un pays aussi qui a pas d'activité économique qui est générée par les investissements qui sont là. L'exemple typique, c'est la Barbade, qui est notre paradis fiscal à nous au Canada. Eh bien, il y a à peu près 53 milliards de dollars canadiens qui est investi là pour un pays de 280 000 habitants. Imaginez, c'est le troisième pays pour les investissements directs à l'étranger du Canada. Quelque chose qui ne fait aucun sens. Ça n'a pas de bon sens. Mais non. Cet argent-là, ça profite à personne, tout simplement. C'est de l'argent qui échappe au gouvernement canadien. Un point, c'est tout. Ah oui, tout ça. Puis, c'est ça, dans votre mémoire, vous juste soulignez, dans le fond, qu'il y a des... des entreprises multinationales, un peu comme Google, Apple, qui des fois, ben, ils payent peut-être à peu près 5 % d'impôts versus des petites PME, peut-être des entreprises plus petites qui vont payer 30 % d'impôts? Oui, ça, c'est quelque chose qui est assez important, qui a été relevé, c'est qu'il y a de la discrimination envers les entreprises. En d'autres mots, les entreprises qui font des affaires à l'échelle internationale, eux peuvent avoir recours aux paradis fiscaux et ils payent presque pas d'impôts, finalement. Parfois, ils n'en payent pas du tout. Hein. L'exemple, c'est la compagnie Starbucks qui est établie depuis 7 ans au Royaume-Uni, en France, qui n'a pas payé un sou d'impôt. Donc, ce c'est qu'on ne fait pas de profit. Ben oui, mais ils sont en expansion quand même. Je pense qu'il y a certainement des profits assez considérables qui doivent être là. Donc, d'une part, il y a ces compagnies qui profitent vraiment là d'avantages fiscaux extraordinaires. Et pendant ce temps-là, une petite PME qui est au Québec, qui n'a pas d'exportation internationale, qui n'est pas une compagnie multinationale, mais elle n'a absolument pas droit à ces avantages-là. Donc, c'est vraiment deux mondes pour deux types de compagnies et c'est quelque chose qui est profondément injuste. Alors, selon vous, est-ce qu'on peut s'attendre à ce que le gouvernement du Canada finisse par faire un plan de lutte contre la fraude et les paradis fiscaux? Est-ce que je suis utopiste? Ça, il faut l'espérer. Ils avaient l'air de vraiment vouloir agir là-dessus. Est-ce que ça va être suffisant? Je ne sais pas. Alors ça, c'est vraiment à suivre. Je pense qu'il faut continuer à faire de la pression, l'attaque Québec, tous les gens qui s'occupent à la question des paradis fiscaux. On sait que cette commission a eu lieu. On sait que les conservateurs sont alertés du problème. Donc vraiment, là, il faudrait qu'ils fassent quelque chose. Mais évidemment, c'est pas les gens les mieux placés pour le faire. Comme par exemple, pendant que j'étais là, une des choses que les conservateurs se vantaient, c'est d'avoir de constater que le Canada a maintenant les taux d'imposition les plus bas pour les entreprises. C'est grâce à eux, ils sont fiers de ça. Pour eux, c'est un accomplissement extraordinaire. Ça va dans leur philosophie, ça probablement, va, oui. Oui, tout à fait. Ça va dans leur philosophie. C'est sûr que là, l'évasion fiscale, c'est illégal. Donc ça, ça les embête un petit peu. L'évitement fiscal, c'est gênant aussi. L'évitement fiscal, c'est ce qu'on a le droit de faire, mais qui n'est pas très, très correct, finalement, parce que c'est ce que je vous disais, les avantages qui sont discriminatoires envers certaines compagnies. Donc, est-ce qu'ils vont agir? Ben, l'avenir nous le dira, mais quand même, il faut espérer. Mais de la part de ce parti-là, il ne faut pas s'attendre non plus à des miracles, ça, c'est sûr. Oh, donc, ça sera à suivre. Est-ce que vous avez une idée... Quand est-ce que vous allez avoir d'autres nouvelles par rapport à ça ou c'est un peu l'année prochaine ou Ça, je ne sais pas. Okay. Pour le suivi, là, il faudrait qu'on s'informe. J'ai l'impression qu'ils devraient nous tenir au courant. Il y a aussi une organisation qui s'appelle les Canadiens pour la justice fiscale. Donc, eux sont établis à Ottawa. À Québec, on collabore beaucoup avec eux. Eux, ils suivent ça de très près. Comme ils sont sur place, eh bien, ils sont très bien informés. Donc, pour nous, c'est clair que ça va être un canal d'information important, ça. Ce réseau-là, qui est un réseau pan-canadien, dont Attaque fait partie, d'ailleurs. Excellent. Alors, est-ce que vous pourriez dire que ça valait la peine qu'Attaque Québec accepte l'invitation du Comité permanent des finances à Ottawa? Ça, c'est pas évident, hein, parce que d'une part, on n'a pas l'impression d'être entendu. On n'a pas l'impression d'être vraiment écouté, mais si on n'y va pas, eh bien c'est comme se défiler, c'est comme refuser non plus de transmettre notre message, c'est comme, je pense, avoir une attitude assez négative. Donc, je pense que si c'était à refaire, j'y retournerais, même si c'est pas évident, même si on n'a absolument pas l'impression d'être dans un territoire allié, puis on n'a pas l'impression d'être bien reçu dans nos propos. Mais c'est quand même, c'est pas une question à laquelle il est facile de répondre, je dirais. Oui, mais dans le fond, le pouvoir qu'on a parfois, c'est justement de dire les choses. Puis dans ce cas-ci, c'est de les dénoncer. Donc, en soi, c'est déjà, je trouve en tout cas pour ma part, que c'est très bien qu'Attaque-Québec ait pu au moins se faire entendre là. Même oui, si, c'est vrai. Si le message n'est pas reçu, mais peut-être qu'un jour, ça sera reçu. Oui, c'est vrai. Souvent, c'est poser sa pierre, comme on dit. Oui. Et ensuite, ben, notre mémoire, ils l'ont en main, ils circulent. Le mémoire, c'est sûr qu'il est mieux que l'intervention que j'ai faite parce que je devais être limité à 5 minutes. 5 minutes, je peux vous dire que c'est très, très court. Donc, il a fallu que j'ai lu à peu près la moitié du mémoire. Donc, j'ai pas pu non plus appuyer autant que j'aurais voulu ce que je disais. Donc, le fait que le mémoire circule aussi, je pense qu'il, je sais pas s'il va être traduit, mais ça, c'est quand même une bonne chose aussi. Oh, mais je pensais pas que vous aviez un temps limité quand on va dans ces comités-là, mais quand oui. même... C'est 5 minutes, hein? Puis on ne dit pas grand-chose en 5 minutes. Ben, là, en tout cas, bravo! Ben, merci beaucoup. En terminant, est-ce que, c'est ça, donc, The Economist a publié récemment un dossier sur les paradis fiscaux, l'évasion fiscale, donc ça semble être très d'actualité et ça semble être sur toutes les lèvres aussi. Est-ce que vous diriez que c'est la fin d'une longue traversée du désert pour Ottawa-Québec sur l'enjeu d'une fiscalité plus équitable ou... Ben, c'est intéressant ce qui se passe, oui, parce qu'avant, effectivement, on a l'impression de crier dans le désert. Là, maintenant, The Economist, qui est une revue très, très à droite, là, ultra-libérale quand même, qui s'inquiète du problème, parce que le dossier va vraiment dans le sens que c'est pas bon, les paradis fiscaux. L'OCDE aussi, c'est pas des alliés naturels, ça. Hein. Ça veut dire qu'il y a vraiment une préoccupation majeure. Ceci dit, en 2008, il y avait aussi une préoccupation majeure, ça inquiétait beaucoup les gens. On sait que c'est rien passé immédiatement après la crise, mais peut-être aussi que ça prenait un certain temps avant de mieux comprendre le problème, de mieux en évaluer aussi les conséquences sur les budgets des États, et que là, il y a peut-être une véritable politique là de s'attaquer à cette question-là. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est jusqu'où on va aller. Et là, c'est à nous, la société civile, les organisations comme les nôtres, de faire pression pour qu'on puisse aller, évidemment, le plus loin possible. Oui, tout à fait, parce que ce sera tout un défi de renverser la vapeur, n'est-ce pas? Oui, en effet. Quand même bien installé, malheureusement. Alors, oui, ben, je vous remercie beaucoup, M. Vaillancourt, de nous avoir accordé votre temps pour cette entrevue. C'est moi qui vous remercie. Donc, au plaisir. Oui, au plaisir. Alors, c'était Claude Vaillancourt, président d'Ottawa-Québec, avec qui on s'est entretenu de son passage. Donc, il représentait Ottawa-Québec devant le comité des finances de la Chambre des communes sur la question de la fraude fiscale et des paradis fiscaux. Et je vous invite à ce sujet d'aller sur le site d'Ottawa-Québec pour lire le mémoire. Donc, ça s'intitule « La fraude fiscale et le recours aux paradis fiscaux ». On s'arrête un bref instant et on revient avec les événements à surveiller. Sauf cette voix qui l'accapare. Elle en... Alors, vous venez d'entendre la magnifique voix de Ève Cournoyer, la chanson « Abandonnée », donc qui, malheureusement, cette belle dame nous a quittés l'an dernier. Alors, on est rendu maintenant dans le grain de sable à surveiller les événements cette semaine. Alors, on a pas mal d'événements à surveiller. Alors, Michel Monette, qui réalise cette émission, nous a trouvé plein de choses à faire. Oui, Valérie, il y a beaucoup de choses à faire cette semaine, effectivement. Hein, on s'approche du 8 mars, la Journée internationale des femmes. Oui. Alors, il y a beaucoup, beaucoup. Je me suis surtout concentrée sur les événements qui concernent les femmes, d'ailleurs. Il y en a d'autres, mais enfin, on nous excusera de penser à nous d'abord. Exactement. Alors, aujourd'hui, à 14h, il y a une activité qui s'appelle Femmes, une et plurielle. Hommage aux femmes immigrantes. Ça, c'est au Centre Rire, r.i.r.e. C'est au Palais Montcalm que ça a lieu. C'est par le Centre Rire, pardon. C'est au Palais Montcalm que ça a lieu sur la place Dieuville à Québec. Alors, le Centre Rire, c'est 2000, organise une activité pour rendre hommage aux femmes immigrantes afin de souligner la Journée mondiale de la femme. Cette activité qui aura lieu au Palais Montcalm a pour objectif de favoriser le partage et la compréhension des valeurs communes aux Québécoises. Ce sera également un moment d'échange pour initier au dialogue entre les cultures. Demain, dimanche le 3 mars, de 10h à 16h30, il y a quand même des activités qui concernent toute la famille. Et là, c'est la fête des semences et de l'agriculture urbaine de Québec. Ça, c'est le réseau d'agriculture urbaine de Québec. On le sait cette semaine, hein, il y a été question de fermes qui, malheureusement, sont surévaluées, mm-hmm. surtaxées. Les gens ne sont pas certains de pouvoir continuer. C'est triste. Alors, c'est l'occasion d'aller jaser justement avec des gens qui se préoccupent d'agriculture urbaine. L'entrée est gratuite. C'est à l'Université Laval au pavillon Alphonse Desjardins sur la rue de l'Université à Québec. En passant, c'est la 4e édition de la Fête des semences et de l'agriculture urbaine de Québec. Et cette année, le thème, c'est l'agriculture urbaine à Québec, plus qu'un loisir. Ça, c'est vraiment une question à se poser avec ce qu'on a, effectivement, ce qu'on a lu cette semaine dans les journaux. Lundi 4 mars, on parlait de l'ère des femmes, des centres des femmes du Québec. Il y a une activité qui s'appelle « De la connaissance de soi à l'affirmation pour soi ». L'affirmation, pardon, ça c'est justement, ça s'adresse aux femmes et c'est le Centre des femmes de la Basse-Ville. Il s'agit d'une démarche de groupe. Toutes les démarches sont gratuites, mais l'inscription est requise et jusqu'au début de chaque démarche et ça jusqu'à ce que le groupe soit complet. Ce sont des groupes fermés, ce qui veut dire qu'une nouvelle femme ne sera pas intégrée après la deuxième rencontre. C'est donc important de s'engager pour toute la durée de la démarche. Celle qui débute le 4 mars est d'une durée de 10 semaines. Mardi 5 mars, 18h, victime d'une agression sexuelle, c'est le lancement de la publicité du CALAC à tire d'aile. Ça, c'est à Lévis. Le CALAC à tire d'aile, c'est le centre d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel. En partenariat avec le cinéma Lido de Lévis, dévoilera sa nouvelle publicité sur les grands écrans dans le cadre des activités entourant la Journée internationale des femmes. C'est au cinéma Lido, donc, qui va être lancé à 18h. Le 5 mars. Mercredi 6 mars, il y a un 5 à 7 d'information Ensemble pour une société écologiste des Amis de la Terre. C'est une autre activité qui s'adresse à tout le monde. C'est au Centre de culture et environnement, le Centre Frédéric Beck, au 870 avenue de Salaberry à Québec. C'est au local des ATQ, le local 210 plus précisément. Alors, on entend constamment parler de différents enjeux environnementaux et on se demande comment puis-je contribuer à améliorer le monde qui m'entoure. Bien, les Amis de la Terre de Québec vous invitent à leur soirée d'information. Vous pourrez découvrir différentes possibilités d'implication en lien avec vos talents et intérêts. Il faut confirmer la présence, c'est au 418-524-2744. À 19h, au mercredi agité, le féminisme dans tous ses états. Depuis 2009 que les mercredis agités visent à aiguiser l'esprit critique des participantes et participants sur des sujets sociaux, culturels et politiques au centre-ville de Québec, au bar Coop l'agité. Ce sont des événements d'échange, de discussion, de débat qui s'inscrivent dans une démarche d'éducation populaire. Jeudi 7 mars, à 13h30, le féminisme, point d'interrogation, plus actuel que jamais. Ça, c'est pour, c'est au Centre des femmes de Basseville, une autre activité du Centre des femmes de Basseville. Ça, c'est au, je ne l'ai pas mentionné tantôt, c'est au 380 Saint-Vallier-Ouest à Québec. Et c'est de 13h30 à 16h. C'est avec Joanne Arsenault, qui est intervenante communautaire. L'accès est gratuit. On peut s'informer au 648-9092. Et finalement, vendredi le 8 mars, il y a à compter de 18h la marche de la Journée internationale des femmes. C'est la coalition régionale de la Marche mondiale des femmes de Québec qui organise cette marche. Il y a aussi à 19h30 une soirée de solidarité réservée aux femmes seulement. C'est gratuit. C'est au Club social Victoria, 170 rue du Cardinal-Leroy. Rire, musique et animation féministe. Pour renseignements, on peut faire le 418-622-2620. Mais les hommes sont pas de reste quand même, puisqu'il y a, à compter de 20h, au Collège François-Xavier Garneau, la fameuse pièce, les monologues du vagin. C'est toujours dans le cadre de la Journée internationale des femmes. C'est mixte, les femmes, les hommes. Enfin, tout le monde est bienvenu à cette activité. C'est au Café Oxymel du Collège FX Garneau, 1660 Boulevard de l'Entente à Québec. Voilà, ça fait pas mal le tour des activités. Sinon, peut-être mentionner rapidement qu'il y a, toujours vendredi le 8 mars, qu'il y a le début comment ça s'appelle, de Vue parallèle, les journées du cinéma GLBT de Québec. Voilà, Valérie. Alors, merci Michel pour pas mal d'événements à faire cette semaine. Beaucoup. Alors, c'est déjà tout pour nous. C'est Contes de fées, l'émission Contes de fées qui arrive avec la flamboyante animatrice Olivia Vu et ses invités. Donc, je vous invite à rester des nôtres. Je vais juste remercier, grand merci à Michel Monette qui a assuré la réalisation, mise en onde et également les choix musicaux cette semaine. Et également à nos invités, donc Madame Valérie Letourneau qui représente les R, Centre des femmes du Québec, et donc également avec le président d'Attaque Québec, Claude Vaillancourt, avec qui on a pu avoir un point de vue sur son passage devant le comité des finances à Ottawa sur la fraude fiscale et les paradis fiscaux. Si vous avez envie de réentendre ces entrevues, ou justement, donc vous pouvez les réécouter en balado-diffusion, soit sur le site de CKRL, sur le site d'Attaque Québec, et également sur le blog legraindesable.qc.org. Également, on a une page Facebook, je vous rappelle, donc venez cliquer j'aime et nous discuter de certains sujets avec nous. Alors, je vous souhaite une bonne semaine. À la semaine prochaine, samedi, 12h. Téléchargez Le Grain de sable sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous à son podcast sur iTunes. Restaurant Latena vous offre un menu diversifié tel que les pizzas, brochettes, poulets frits, pâtes, sous-marins, en plus des à côté, nos délicieux clubs et poutines. Restaurant Latena, ouvert tous les jours dès 7h pour offrir une variété de petits déjeuners. Restaurant Latena, situé au 2980 1ère Avenue, pour combler votre appétit matin, midi et soir. Sur place ou en livraison, 88-525-5509. Tous les jours de la semaine de 7h à 9h, la boîte à pain Café Napoli vous présente Les Matins éphémères, l'émission matinale de CKRL. La boîte à pain Café Napoli, c'est une boulangerie et une sandwicherie. Les pizzas et calzones sont cuites au four à bois et nous avons un grand choix de salades variées. Venez faire un tour au 396 3e Avenue et au 289 Saint-Joseph. 418-977-7571. La boîte à pain Café Napoli. Un savoir-faire qui se goûte. Si vous cherchez du théâtre trash, n'écoutez pas ce qui suit. Deux semaines après l'éternité, une pièce où il n'y a pas de sac, pas de violence, même pas de sang, juste un peu de sexe.